Chapitre 19e. Le colonel ne put rentrer que très tard à son hôtel, car en descendant du chemin de fer, Sauriol voulut à toute force le reconduire. Ce n'était pas seulement en belles paroles que Sauriol était riche, en grandes idées, en principes élevés. Il avait aussi des connaissances pratiques qu'il trouvait utile de faire partager à son nouvel ami, au neveu de son brave Antoine. Un étranger qui arrive à Paris peut quelquefois se trouver bien embarrassé, même avec de l'argent dans sa poche. Cela est incontestable, n'est-ce pas? Eh bien, il voulait que son expérience évitât ses embarras au colonel. Ce fut dans ce but qu'il lui indiqua un endroit où l'on pouvait trouver un verre de bonne bière quand tous les cafés de Paris étaient fermés, et un autre où l'on pouvait se faire servir une excellente soupe à l'oignon et au fromage. Il n'y avait que les vrais noctambules qui connaissaient ces bons coins. Mais tout le monde, à un moment donné, ne pouvait-il pas devenir noctambule? Le colonel avait cette qualité du parfait soldat de pouvoir dormir quand il voulait et comme il voulait, autant et aussi peu qu'il lui convenait. En se couchant, il s'était dit qu'il dormirait tard, sa matinée devant être employée à faire visite à Raphaël, ce qui ne pouvait pas avoir lieu de très bonne heure et il avait prévenu Horace de ne pas l'éveiller. Aussi, sa surprise fut-elle grande de s'entendre appeler le matin. « Et quelle heure est-il donc ? » demanda-t-il en ouvrant les yeux. « 8h30. » « Je t'avais dit de me laisser dormir, va-t'en. Ce n'est pas possible. Il y a là une jeune fille qui demande à voir mon colonel. Au diable, les jeunes filles !» C'est ce que je lui ai dit, poliment, bien entendu. Elle n'a pas voulu y aller. « Donne-lui ce qu'elle demande. » « Elle demande, mon colonel, et c'est pour cela que je me suis permis de vous réveiller. Tu es insupportable. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la renvoyer. À la fin, elle m'a dit qu'elle était votre cousine. Alors je suis entré. Ma cousine, Thérèse, ici, elle est dans le salon. » Elle attend mon colonel. Elle paraît très émue. Que se passe-t-il? En un tour de main, le colonel fut habillé et vivement il entra dans le salon. Thérèse ne s'était point assise, mais elle marchait en long et en large avec impatience. Lorsqu'elle vit le colonel entrer, elle accourut. « Oh, mon cousin » s'écria-t-elle d'une voix tremblante. Il lui prit les deux mains dans les siennes. « Qu'avez-vous, cher enfant? Votre père? Ce n'est pas de mon père qu'il s'agit. Si vous saviez, mon Dieu, comment vous dire ?» « Anatole, mon frère !» Alors il comprit que ses pressentiments ne l'avaient pas trompé. « Arrêtez, dit-il, vous le saviez ? J'avais lu les journaux, et j'avais eu un mauvais pressentiment. « Oh, il est innocent, croyez-le, mon cousin !»« Je veux le croire, mais que savez-vous ? Ne me cachez rien !»« Je suis venu pour tout vous dire, afin que vous le sauviez. »« Moi, cher enfant, et que puis-je dans ce pays où je ne connais personne ?»« Je ne sais pas, mais vous chercherez, vous trouverez. »« Dites-moi que vous trouverez. » Dites-moi que vous ne l'abandonnerez pas. Je suis sûr qu'il n'est pas coupable. Je ne l'abandonnerai pas, je vous le promets. Ah, vous êtes bon, j'en étais certaine. Aussi je n'ai pas hésité à venir. Tout de suite, c'est à vous que j'ai pensé en apprenant la terrible vérité. Mais qu'avez-vous appris? En détail, racontez-moi tout. Et doucement, il la força à s'asseoir près de lui en gardant ses mains dans les siennes. Elle était haletante, l'oppression l'étouffait. Calmez-vous, dit-il. Et si cela peut vous donner de la force de penser que vous avez en moi un ami dévoué, soyez assuré que je ferai tout, le possible, l'impossible, pour vous aider. » Elle releva sur lui ses yeux troublés, et longuement elle le regarda avec une émotion qui en disait plus que de longues paroles. En même temps, elle lui serrait les mains. « En rentrant hier soir, dit-elle, nous avons trouvé Michel dans l'atelier. Il avait l'air de travailler, mais j'ai bien vu tout de suite qu'il ne travaillait pas. Il paraissait tout sombre. » Pendant que mon père avait le dos tourné, il m'a fait un signe à la dérobée, ce qui m'a bien étonné. Mais je l'étais encore bien davantage lorsque, s'approchant de moi, il me glissa un papier dans la main. Mon premier mouvement fut de jeter ce papier, mais Michel me lança un coup d'œil si expressif que je le gardais. Aussitôt que je fus dans ma chambre, je l'ouvris et je lus. Il ne contenait que ces quelques mots écrits au crayon. Il faut que je vous parle ce soir même. Quand tout le monde sera endormi, sortez doucement. Vous me trouverez sur le palier. Quelques jours plus tôt, je n'aurais pas hésité, si étrange que fût cette demande, mais ce que vous m'aviez dit de Michel me revint à l'esprit. J'eus peur et décidai de ne pas sortir. Mais bientôt, j'eus honte de cette mauvaise pensée, et quand je crus que je pouvais ouvrir les portes sans être entendu, j'allai sur le palier. J'y trouvai Michel qui m'attendait assis sur une marche. Alors, avec toutes sortes de précautions, il me dit qu'un grand malheur nous frappait tous. Et il m'apprit que mon frère était en prison. Il paraît qu'on vous a volé une très grosse somme au jeu, une fortune. Je l'ai perdue au jeu. le soir de mon arrivée à Paris. Eh bien, on accuse Anatole de l'avoir fait voler par des gens qui seraient ses complices. Il aurait su qu'un étranger avait gagné cette somme par une comédienne qui est sa maîtresse. Et alors, il aurait combiné le vol. Ici, il y a des choses embrouillées que je ne comprends pas, ou qui m'ont été mal expliquées par Michel. Enfin, ce qu'il y a de certain, c'est qu'Anatole a été arrêté et qu'il est en prison. Michel l'avait appris dans la journée et il avait attendu mon retour afin de nous entendre tous les deux pour cacher la vérité à mon père. Tel fut le récit de Michel. Que faire? J'étais bouleversé, car je comprenais comme Michel que cette affreuse nouvelle était pour tuer mon père, s'il l'apprenait. Bien qu'il ne parle jamais d'Anatole, il pense sans cesse à lui. Il l'a tant aimé, il en était si fier. Quel coup, s'il lisait dans un journal ou bien si on lui disait que son fils était en prison, accusé de vol. Comment empêcher cela? Alors l'idée me vint de m'adresser à vous. Bien, ma cousine. Je ne vous connais pas beaucoup, mon cousin, mais je suis sûr que vous êtes un homme de cœur et d'énergie. Cela ne s'apprend pas avec le temps, cela se sent tout de suite. Je ne me trompais pas, puisque vous nous tendez la main. Vous avez eu raison de penser que vous trouveriez en moi un ami dévoué. Je fis part de mon idée à Michel, mais il la repoussa. Que pouviez-vous dans un pays qui n'était pas le vôtre? Et puis, si vous interveniez auprès de mon père, cela n'éveillerait-il pas ses soupçons au lieu de les écarter? La discussion dura longtemps entre nous, et je le quittai sans nous être mis d'accord. Les réflexions de la nuit m'ont confirmé dans mon idée, et ce matin, aussitôt qu'il m'a été possible, je suis sorti, en apparence pour aller rue Paradis Poissonnière, chez le fabricant qui me donne à travailler, en réalité pour venir ici. Je vous en prie, mon cousin, sauvez Anatole. Cette confiance que Thérèse mettait en lui l'avait vivement touché. Mais d'un autre côté, elle le jetait dans un embarras dont il ne savait comment sortir. Que pouvait-il faire? Que devait-il répondre? Comme il ne disait rien, elle continua, se méprenant sur les causes de ce silence. « Je vous assure, mon cousin, qu'Anatole est innocent. Si vous saviez comme il était bon, il ne pensait qu'aux autres et il n'avait pas de plus grand plaisir que de nous faire des cadeaux. Avec cela, toujours de bonne humeur, prenant tout en riant, ce n'est pas possible qu'il soit coupable. » Il a bien des torts envers notre père, c'est vrai. Mais de là, à voler, il y a un abîme, et je suis certaine qu'il ne l'a pas franchi. Vous verrez qu'il est innocent. Au reste, ce que je vous demande, c'est d'obtenir la preuve de cette innocence. Car pour notre père, c'est là ce qu'il faut. S'il apprend que son fils a été arrêté, et cela peut arriver sans que tout ce que nous tenterons réussisse à l'empêcher, il faut qu'on puisse lui dire en même temps qu'il y a eu erreur et lui prouver qu'Anatole est innocent. Évidemment, l'idée était bonne, mais pour l'exécuter, il fallait d'abord qu'Anatole fût véritablement innocent, puis il fallait ensuite réunir les preuves de cette innocence. Sans parler des difficultés qu'il voyait à l'accomplissement de cette tâche, le colonel dit à Thérèse qu'il allait faire ce qu'elle demandait, et sans perdre un instant, commencer ses démarches. Pour l'activité et le dévouement, soyez assurés que je justifierai la foi que vous avez mise en moi. De nouveau, elle le regarda. Dans ses yeux roulaient encore des larmes retenues, mais il n'exprimait plus l'anxiété, comme lorsqu'elle était arrivée. Désolée, elle l'était encore, mais non plus désespérée. Elle se leva pour partir. Mais avant de s'éloigner, elle adressa une dernière demande à son cousin. Voudrait-il la prévenir du résultat de ses démarches? Elle ne pourrait pas revenir au Grand Hôtel, mais le soir à 8 heures, elle pourrait se trouver sous les galeries de la Place Royale. Il promit d'être exact à ce rendez-vous, qui avait cela de bon de ne pas provoquer les soupçons d'Antoine. Place Royale, il pourrait pendant quelques minutes s'entretenir librement. À ce soir. Et ce fut elle à son tour qui, longuement, à plusieurs reprises, lui serra les mains dans une étreinte nerveuse. Il n'y avait pas 10 minutes qu'elle était sortie quand Horace vint prévenir son maître qu'un homme, qui n'avait qu'un bras et qui s'appelait Denisot, demandait à voir le colonel, se disant certain d'être reçu. Lui aussi, Denisot, venait d'apprendre qu'Anatole avait été arrêté, et tout de suite il eut la pensée de s'adresser au colonel afin que celui-ci le fît relâcher sans retard. Car vous comprenez que si notre pauvre Antoine apprend que son fils est en prison, cela peut le tuer. Combien de fois je lui ai entendu répéter « Nous autres, nous devons être irréprochables ». Qu'est-ce qu'il dirait s'il apprenait la vérité? Il faut donc que demain Anatole soit libre. Et comment cela? C'est vrai. N'est-ce pas ce qu'on dit de votre fortune? Eh bien, il faut l'employer à cela. Vous n'êtes pas homme à marchander. Allez-y franchement. Mais, mon brave Denisot, la fortune n'a rien à voir là-dedans. » À ce mot, Denisot se mit à sourire silencieusement. « Bon à dire ces choses-là, mais on sait ce qu'on sait. Allez-y franchement. » Il fut impossible au colonel de changer l'idée de Denisot. « Maintenant, vous savez, » dit celui-ci en s'en allant. « Je n'affirme pas que le garçon ne soit pas coupable. Bon enfant, c'est vrai, bon vivant, mais capable de tout. Quand il était gamin, je l'ai vu en faire de si roide qu'il peut bien avoir arrangé cette grosse volerie. Seulement, ce n'est pas une raison pour qu'on ne le relâche pas. On a vu de plus coupables que lui se tirer d'affaire. Je vous le dis parce que j'en suis sûr. Allez-y, franchement. Et puis, quand vous aurez réussi, je vous demanderai encore une chose. Mettez une grosse somme dans la main d'Anatole, à condition qu'il s'en ira en Amérique, en Australie, quelque part, enfin. Voyez-vous, le mieux pour tous, pour lui, pour son père, pour sa sœur, pour vous, peut-être. Comment, pour moi? Vous ne connaissez pas le particulier. Le mieux, c'est qu'il soit loin d'ici. Croyez-en quelqu'un qui le connaît à fond. Bon enfant, mais canaille. Oh là là !»